Chapitre 10e. Les personnes qui seraient arrivées à Condé le samedi matin, sans connaître la lutte qui s'était engagée dans le pays à l'occasion du bazar anglais et de la loterie de Saint-Pierre, n'auraient rien compris à ce qu'elles voyaient. Que se passait-il donc dans cette ville ordinairement si tranquille? Attendait-on le président de la République? Allait-on inaugurer un monument? Devant les remises, on voit des voitures qu'on vient de sortir dans les rues et que des cochers en veste rouge ou en manches de chemise frottaient à stick. À la façon dont ils appuient sur les cuivres et sur les fers polis, il est certain qu'ils veulent obtenir un brillant extraordinaire. La bouche grande ouverte, ils soufflent sur les panneaux vernis des coffres et aussitôt ils les essuient à la peau, revenant plusieurs fois à la même place, doucement, en tournant la main, jusqu'à ce que le vernis brille comme un miroir et reflète les rayons obliques du soleil levant. Des ouvrières passent dans les rues, marchant vite, leurs cheveux ébouriffés, leurs yeux battus, leur visage qui porte la marque de la fatigue. Tout dit qu'elles ont travaillé durant la nuit, au lieu de se coucher. Au bout d'un long bâton qu'elles tiennent à deux mains comme la hampe d'un drapeau, sont accrochées des robes et des jupes blanches qui, par le bas, s'envolent au vent. Ce sont des couturières ou des blanchisseuses qui vont livrer des toilettes achevées dans la nuit. Des hommes en habit noir, la cravate blanche au cou et les escarpins aux pieds, marchent au contraire lentement, avec importance, regardant soigneusement les pavés, pour voir où ils doivent poser la pointe de leurs chaussures sans crainte de la crotter. Ce sont évidemment des maîtres d'hôtel qui s'en vont dans quelques maisons de la ville pour y servir un déjeuner de cérémonie. En temps ordinaire, ayant pour métier de frotter les appartements, de tirer le vin, de porter les billets de mort, ils ont revêtu la tenue des grands jours et les mains lessivées, les cheveux gras et frisés, ils laissent derrière eux une odeur de pommade à la bergamote mêlée à celle du savon à la rose. Et cependant, on ne voit rien. Ni à la mairie, ni à la sous-préfecture, qui indique qu'une fête se prépare. Pas de guirlandes de feuillage, pas d'ifs, pas de mât vénitien, pas de drapeau, pas de banderoles. Les accessoires des réjouissances officielles sont restés sous les remises et dans les magasins. Pour trouver une explication à l'activité des cochers, à l'empressement des couturières et à la tenue des maîtres d'hôtel, il faut monter la rue de l'Évêché et après le château prendre le rempart. Alors, derrière une grille dorée à neuf, au milieu d'une cour qui précède un hôtel dans le style Louis XV, on aperçoit une tente enguirlandée de verdure et au fronton de laquelle se détachent, pour tout ornement, de grandes lettres en drap rouge S.P. Le pavé de la cour est recouvert d'un beau sable doré sur lequel a été étendu un chemin en tapis qui commence à la grille. De chaque côté de cette grille sont groupés dans la mousse des arbustes à feuillage ornemental. Malgré ces deux lettres S.P., cet hôtel n'est pas celui de la sous-préfecture, comme pourrait le supposer un étranger. Il appartient à Madame Prêt-à-Boine, et ses préparatifs de fête ont été faits à l'occasion d'une grande loterie qui doit se tirer ce jour même. Quant aux initiales SP, ce ne sont pas celles de Madame Prêt-à-Boine, ce sont celles de Saint-Pierre ou du Saint-Père, sans qu'il soit possible de savoir d'une façon précise laquelle de ces deux dernières explications est la vraie, même en s'adressant aux personnes les mieux informées. Car si la loterie porte le nom de Saint-Pierre, son produit est destiné au Saint-Père. Si l'on ne s'arrête pas à cet hôtel et si l'on continue le rempart, pour prendre ensuite la route qui le prolonge, ou bien si l'on coupe au cours à travers les prairies par un chemin vert et frais, qui abrège la distance de moitié, on ne tarde pas à rencontrer une nouvelle tente ornée de drapeaux anglais, américains et français qui s'élève sur la grande pelouse d'un magnifique jardin. On est au château des Yvetot, l'ancienne propriété du banquier Charlard, qui, après le suicide de celui-ci, a été achetée par une riche anglaise, Lady Sarah Barrington. Sous cette tente sont dressées des tables et des boutiques pleines d'objets de fantaisie, qui, ce jour même, vont être vendus au profit de la chapelle anglicane qu'on construit en ce moment à Condé. C'est pour se rendre chez Madame Prêt-à-Boine que les maîtres d'hôtel se sont parfumés et pommadés. C'est pour porter la belle société de Condé chez Madame Prêt-à-Boine et chez Lady Sarah Barrington que les cochers, dès le matin, astiquent et frottent si consciencieusement leur voiture. Enfin, ce sont les toilettes des invités de l'une et de l'autre maison que les ouvrières aux yeux ensommeillés portent pieusement comme des bannières. Maintenant, il ne s'agit plus que de voir qui réunira la plus nombreuse compagnie. Plus tard, on discutera sur la question de qualité de cette compagnie. Il y aura là une belle matière à querelle et de bons sujets de bruit. En toute autre circonstance, cette question de qualité, aussi bien que de quantité, eût été une affaire capitale pour Madame Prêt-à-Voine. Mais à cette heure, si elle ne s'en détachait pas complètement, il est vrai de dire qu'elle la reléguait au second rang. La grande affaire pour elle, en ce moment, la plus importante, celle pour le succès de laquelle tout avait été combiné et arrangé, c'était le mariage d'Aurélien, c'est-à-dire la venue du comte de La Roche-Chaudon et de Bérengère. Cependant, si émue qu'elle fût au moment de jouer la première carte de cette partie, elle ne se laissait pas dominer par son émotion et elle gardait toute sa tête aussi bien que toute son activité. Lorsque les maîtres d'hôtel arrivèrent, ils la trouvèrent revenue de la messe, les attendant, et chacun d'eux reçut d'elle de longues et minutieuses recommandations. Puis, son inquiétude à l'égard du comte de La Roche-Chaudon augmentant, elle envoya à La Rouvray un émissaire dont elle était sûre et qui avait des intelligences au château. Le comte allait bien, Mademoiselle Bérengère allait bien aussi, la vieille calèche était préparée devant les remises. Un peu avant l'arrivée des invités, elle reçut la visite d'un rédacteur de l'Étoile qui venait lui demander de vouloir bien faire dresser la liste exacte des personnes qui assisteraient au tirage de la loterie, le journal ayant pris l'engagement de publier cette liste qui, dans les circonstances actuelles, présentait un intérêt capital. Mais il n'était point dans les habitudes de Madame Prêt-à-Voine de se charger de ce qu'elle pouvait faire par les autres. Elle excellait, au contraire, à se décharger sur les autres de ce qu'elle aurait dû faire elle-même. Peu de personnes possédaient au même point qu'elle le talent de se faire servir par autrui. Sans doute, il était d'un intérêt capital que cette liste parut dans l'Étoile, mais qui pouvait mieux l'adresser exacte et complète que le journaliste lui-même? Ce n'était pas elle qui serait tout à ses invités et qui aurait mis l'occupation. Elle espérait donc que le journaliste voudrait bien aller passer un habit. Le malheureux s'écartait terriblement des lois écrites dans le code du cérémonial, et en se pressant un peu, il serait de retour bien longtemps. D'ailleurs, elle le priait de vouloir bien assister lui-même, comme invité, au tirage de la loterie et à la collation qui terminerait la journée. Il n'y avait qu'à obéir, car l'Étoile ne faisait pas d'assez brillantes affaires pour mécontenter une abonnée qui exerçait dans le monde clérical une influence telle que celle de Madame Prêt-à-Voine. Bien que cette fête n'eût été conçue et organisée que dans l'intérêt d'Aurélien, celui-ci avait fort peu aidé sa mère, et pendant toute la matinée du jour, il était resté enfermé dans son appartement. Qu'avait-il donc? Il avait reçu 3 lettres, portant le timbre de Bruxelles, et c'étaient ces lettres, sans doute, qui le préoccupaient. De qui elles étaient? Madame Prêt-à-Voine s'en doutait bien un peu et même beaucoup, mais cela ne suffisait pas. Il aurait fallu savoir ce qu'elle disait, et il aurait fallu savoir aussi pourquoi elle venait de Bruxelles. Bruxelles. Cela était étrange, alors surtout qu'Aurélien ne devait pas retourner à Louvain. Que celle qui écrivait ces lettres quittait Condé et se fût retirée à Paris, à Caen, n'importe où, il n'y avait là rien que de naturel qu'elle s'expliquait parfaitement. Qu'elle écrivit, cela s'expliquait de même facilement. Que ces lettres contrariassent Aurélien, cela s'expliquait toujours. Mais ce qui restait inexplicable, c'était Bruxelles. Et ce qui était inexplicable encore, c'était que ce qui n'avait paru être que de la contrariété au reçu de la première lettre fut devenu l'inquiétude au reçu de la seconde et de la troisième. Pour Madame Prêt-à-Voine, les 2 idées d'inquiétude et de Bruxelles étant absolument contradictoires, s'excluaient l'une l'autre. Puisque celle qui écrivait ces lettres était à Bruxelles, la logique disait qu'on n'avait rien à craindre d'elle. Si Madame Prêt-à-Voine avait pu les lire, ces lettres, elle aurait partagé l'inquiétude d'Aurélien. Elles étaient en effet de Sophie. Dans la première, Sophie annonçait qu'elle était bien arrivée à Bruxelles, et pour faire plaisir à son chéri, elle lui racontait longuement son voyage. Elles étaient naïves, les impressions de voyage de cette fille, qui n'avait jamais quitté son pays. Ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait entendu, ce qu'elle avait éprouvé, elle racontait tout, et ce récit, plein de naturel et d'abandon, qui ne s'interrompait que pour se perdre dans des effusions de tendresse, eût été charmant pour tout autre que le chéri. Mais il avait bien autre chose en tête que les effusions, les récits de Sophie. La seconde lettre était d'un tout autre ton, pleine encore de tendresse, bien entendu, mais aussi de crainte. Pourquoi n'avait-il pas répondu, comme il s'était engagé à le faire? Elle avait cependant bien donné son adresse. Comment n'écrivait-elle pas? Était-il malade? Elle demandait une réponse immédiate. Elle implorait 2 lignes, 1 mot, « J'arrive ». Si sa première lettre avait été perdue à la poste, la seconde ne le serait pas assurément. La troisième était chargée, et le facteur, conformément à ses instructions, n'avait dû la remettre qu'à Aurélien lui-même et contre un reçu signé. Celle-ci était la plus courte et elle ne contenait que quelques lignes, J'ai perdu la tête, mon chéri. Je suis folle d'anxiété, de crainte. Pas un mot de toi, pas un signe de vie. Es-tu vivant? Que t'est-il arrivé? Dis-moi la vérité. Quelle qu'elle soit, elle sera moins terrible que cette incertitude. Comprends-tu? J'attends et ne reçois rien. Tu devais m'écrire. Tu devais me rejoindre. Tu n'écris pas. Tu n'arrives pas. Rien le matin, rien le soir. Sens-tu ce que sont mes nuits? Que penser? Qu'imaginer? Que craindre? Tout, excepté une seule chose, qui est que tu ne m'aimes plus et que tu m'abandonnes. Cela, mon chéri, je ne l'imagine pas. Je ne peux pas le croire. Même quand on me le dirait, je ne le croirais jamais. Toi, m'oublier, toi, ne plus m'aimer, c'est impossible. Je ne suis ici que pour toi. C'est pour toi que je suis venu. C'est pour toi que je reste. Si tu ne viens pas, je retourne à Condé. Il faut que je te voie. Si je ne peux pas te voir parce que tu es malade, il faut que j'aie de tes nouvelles. Je trouverai bien moyen d'en avoir quand je serai à Condé. Enfin, je saurai, je vivrai. Ici, je meurs. Et de la plus cruelle maladie dont on puisse souffrir. Envoie-moi une dépêche, cette lettre reçue, c'est-à-dire samedi matin. Si lundi, je n'ai reçu ni dépêche ni lettre, je retourne à Condé. Oh, mon bien-aimé, oh, mon adoré, aie pitié de celle qui donnerait sa vie pour toi. Au nom de notre amour, au nom de notre enfant, une lettre, je t'en supplie. Sophie. Cette lettre n'attendrit pas Aurélien. Il remarque avec dépit qu'elle renfermait plusieurs fautes d'orthographe. C'était la première fois qu'il les voyait. Quelle, excepté eux, envoie avec un S. Mais il ne s'y arrêta pas longtemps, car il avait à penser des choses plus sérieuses. Il la connaissait, cette Sophie. Il savait qu'elle était passionnée, exaltée, et qu'elle ferait assurément ce qu'elle disait. La belle aventure, si elle arrivait à Condé, comment l'empêcher? Il avait d'abord pensé à lui écrire, mais justement, cela était impraticable. Ce n'était pas quand il venait de rentrer en possession des lettres qu'il avait eu la sottise d'écrire, dans un moment de folie amoureuse, qu'il allait être assez maladroit pour en écrire une nouvelle qui pouvait devenir une arme terrible contre lui. Quant à lui envoyer une dépêche, il n'y fallait pas songer, au moins à Condé. Comment signer Aurélien Prêt-à-Boine une dépêche adressée à Mademoiselle Sophie Fautrel? Et comment ne pas la signer, ou la signer d'un faux nom, alors qu'il devait la remettre à un employé qui le connaissait? Ah, s'il avait eu un ami à qui se fier, il aurait pu le prier d'écrire cette lettre, qui, d'une autre main que de la sienne, cessait d'être dangereuse. Mais cet ami, il ne l'avait pas. Autant il ne songeait pas à devenir le mari de Mademoiselle de La Roche-Audon, sa position lui interdisait toute confidence amoureuse. Personne n'avait su qu'il aimait Sophie et qu'il était son amant. Maintenant, plus que jamais, tout le monde devait ignorer qu'il avait une maîtresse. Ah, que la vie est plus facile pour les jeunes gens de mœurs légères et qui ne sont pas condamnés à l'austérité. On leur permet tout, on leur pardonne tout. À lui, on n'avait rien permis. À lui, on ne pardonnerait rien. Après avoir examiné sa situation dans tous les sens, il n'avait trouvé que deux moyens pour en sortir, ou tout au moins, pour retarder un dénouement terrible et gagner du temps. Ah, qu'il avait été imprudent de se faire aimer de cette diablesse de fille. Elles sont charmantes tant qu'on les aime, ces femmes passionnées et exaltées, mais combien gênantes et dangereuses elles sont lorsqu'on ne les aime plus. Le premier de ces moyens consistait à s'en aller le lendemain à 15 ou 20 lieues de Condé, dans un village où il était inconnu, et là, de déposer une dépêche signée d'un faux nom pour dire à Sophie qu'on était malade et qu'on la priait d'attendre à Bruxelles d'autres nouvelles. Le second consistait à être lui-même l'ami qui lui manquait, c'est-à-dire à déguiser son écriture et à écrire à Sophie 3 ou 4 lignes. « Notre ami malade me charge de vous dire qu'il ne peut pas vous écrire lui-même. Il compte le faire dans 2 ou 3 jours et il vous demande d'attendre sa lettre. » Il était devant sa table en train de s'essayer à griffonner de la main gauche ces quelques lignes, et il en avait déjà fait plusieurs copies, dont les dernières lui paraissaient assez bien réussies pour que Sophie ne pût pas reconnaître l'écriture lorsque sa mère entra dans la bibliothèque. « N'êtes-vous pas prêt ? » dit-elle. « Si, mais je ne descendais pas pour ne pas vous gêner. » Il s'était levé. Elle vit que sa tenue était correcte des pieds à la tête. Le linge était d'une fraîcheur immaculée, pas un cheveu ne dépassait l'autre. Il eût été vraiment tel qu'elle l'avait souhaité qu'il fût pour cette grande circonstance. S'il n'y avait pas eu une sorte de vide dans son regard. « Nos invités vont arriver, » dit-elle. « Je vous suis. Je vous demande seulement le temps de ranger ces papiers. » Ces papiers étaient sans doute une réponse aux lettres de Bruxelles, mais elle ne lui adressa pas de questions à ce sujet. Il allait assurément les placer dans un tiroir de son bureau qu'il fermerait à clé. Pendant le tirage de la loterie, elle s'échapperait une minute et elle apprendrait ce qu'elle désirait tant savoir. Mais il ne les plaça pas dans son bureau, comme elle l'avait espéré. Il les froissa dans sa main et en fit une boule qu'il jeta dans la cheminée. Puis, ayant allumé une allumette, il mit le feu à cette boule et la regarda brûler. Décidément, elle n'apprendrait rien. Elle ne put pas retenir un geste de contrariété. « Vous brûlez beaucoup de papier depuis quelque temps, » dit-elle. « Je suis vos conseils. Vous me disiez l'autre jour qu'il ne faut jamais garder des papiers qui ne peuvent pas nous servir, car bien souvent ils servent aux autres. » Il n'y avait rien à répondre. L'élève récitait la leçon du maître. Ils descendirent l'escalier, mais au bas, Madame Prêt-à-Boine s'arrêta et se retournant vers son fils, qu'elle regarda un moment, les yeux dans les yeux, avec une expression d'inquiétude. « Allez-vous porter dans notre fête ce visage sombre ? » demanda-t-elle, d'une voix où il n'y avait plus de prière que de reproche. « Soyez tranquille, chère mère. Mademoiselle de La Rochaudon va éclaircir ce visage. Je ne compromettrai point par une maladresse le succès de votre projet. » Et par un effort de volonté, amenant un sourire dans ses yeux, « Je ne désire pas moins que vous ce mariage. » Il était temps que Madame Prêt-à-Boine et Aurélien descendissent, les invités arrivaient. Elle regarda vers l'entrée et elle eut la satisfaction d'apercevoir le rédacteur de l'Étoile qui s'était installé mélancoliquement entre deux lataniers pour accomplir sa besogne. Elle s'avança au devant des arrivants. C'était le comte et la comtesse d'Onanogu, accompagnés du baron Maccombie. Le comte et la comtesse étaient des Irlandais qui descendaient, bien entendu, des rois d'Irlande, et le baron était un Écossais qui descendait, bien entendu aussi, des rois d'Écosse. Le certain, c'est qu'ils étaient tous trois de la plus pure noblesse, mais aussi, hélas, de la plus lamentable pauvreté. Leur famille s'était établie en France depuis qu'ils avaient été chassés de leur pays par la conquête anglaise, et eux s'étaient fixés à Condé après la chute de Charles X et le licenciement de la garde royale, où le comte et le baron avaient occupé un grade. Comment et de quoi vivait-il, c'était un mystère qui amusait les esprits moqueurs et qui attendrissait les cœurs généreux, lorsqu'on le discutait à Condé. Pour le moment, c'était chose touchante de voir ces trois vieillards, dont le plus jeune avait 77 ans, faire leur entrée le visage animé, la taille redressée, heureux de confesser la foi pour laquelle ils avaient souffert, et d'affirmer une fois de plus leur haine contre ces Anglais détestés qui, après avoir envahi leur pays, voulaient encore envahir la France. Si nobles qu'ils fussent, ils étaient trop pauvres pour que Madame Prêt-à-Boine s'occupât longtemps d'eux. D'ailleurs, un nouvel arrivant la réclamait tout entière. Celui-là n'était autre que le fameux abbé Guillemite, le doyen d'Annebault, qui descendait d'un magnifique landau, la taille légèrement voûtée par le poids écrasant des immenses travaux qu'il avait accomplis depuis 10 ans, mais encore plein de force cependant, d'énergie et d'ardeur. Le landau d'où il descendait était celui de son neveu et de sa nièce, M. et Mme Hubert Guillemite, nouvellement arrivés d'Italie, et avec lesquels il était venu. Descendu le premier, il s'effaça pour laisser passer sa nièce, qui avait pris le bras de son mari, qu'elle pressait tendrement, aussi heureuse de marcher près de lui, contre lui, après plusieurs années de mariage, qu'aux belles nuits de la lune de miel, car le temps n'avait point affaibli son amour, et dans Mme Hubert Guillemite battait toujours le cœur d'Isabelle Pinto-Soulas, ce cœur passionné, qui lui avait fait choisir pour mari, elle, la riche héritière, un pauvre petit architecte de province. Presque sur les pas de l'abbé Guillemite, arrivèrent M. et Mme Bonhomme de la Faroudière et leur fils Dieudonné, le président grave, majestueux et renversé dans sa cravate blanche comme à l'ordinaire. Madame de la Fardouillère, simple mais digne, comme il appartient à une femme qui a la prétention de descendre de la Sainte Vierge, et enfin M. Dieudonné, le type le plus parfait du gommeux de province, encore plus myope d'esprit que de vue. Madame Prêt-à-Boine ne put pas leur accorder toute l'attention respectueuse à laquelle ils avaient droit, car elle dut courir au devant de Mgr Hyacinthe, qui arrivait accompagné de son premier vicaire général, M. Fichon. Les invités se succédaient rapidement et la tente, ainsi que les salons, commençaient à se remplir. Tout à coup, il se fit un brouhaha dans la cour. Une calèche jaune, rechampie de rouge, venait de s'arrêter devant la grille. Sur le siège de devant, se tenait immobile un gros cocher à perruque poudrée, et sur celui de derrière se dressaient, roides comme s'ils eussent été empalés, de vieux valets de pied en grande livrée, frac, culottes courtes, souliers à boucles et perruques à queue. Trop vieux pour être souples, les valets de pied descendirent lentement, mais noblement de leur siège, et de leurs mains gantées, ils aversèrent le marchepied. Une jeune fille sauta légèrement à terre, et se retournant, elle tendit sa petite main à un grand vieillard. C'était le comte de La Rochaudon et sa petite fille Bérengère.